Merci Mathieu Guérigou-Lagrange. Troisième temps de notre semaine spéciale de fin d'année, une semaine de prospective, d'anticipation où l'on flirte avec le futur pour essayer d'en dessiner les contours. Aujourd'hui, nous allons partir de l'interface cerveau-machine, un des domaines de recherche les plus ambitieux qui a donné lieu à quelques résultats spectaculaires comme la collaboration à distance entre deux individus uniquement fondée sur la lecture et l'interprétation de signaux cérébraux, ou plus concrètement le contrôle de prothèses via des boucles de rétroaction. À quand le pas suivant, celui qui connecte directement notre cerveau au réseau? Cerveau connecté, bienvenue dans la matrice. C'est le problème qui va occuper nos méninges pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ce scénario fondé sur les recherches actuelles et l'état de nos connaissances dans le domaine de l'interface cerveau-machine, mais aussi sur un peu de prospective, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, ex-UPMC, directeur de l'équipe agent cognitif et apprentissage symbolique automatique au sein du laboratoire d'informatique de Paris 6 et président du comité d'éthique du CNRS. Bonjour Jean Mariani. Bonjour. Vous êtes médecin neurobiologiste, professeur émérite à Sorbonne Université et directeur de l'Institut de la Longévité. Vous êtes co-auteur avec Daniel Tritsch de « Ça va pas la tête, cerveau, immortalité et intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme, c'est chez Belin ». Et bonjour Romain Lucaso. Bonjour. Auteur de l'indispensable Neospace Opera Latium, auquel nous avions consacré une émission entière. C'est publié chez De Noël en grand format et chez Folio SF en poche. Ceci étant dit, connecter le cerveau à Internet, évidemment dit comme cela, c'est ça sonne comme une sorte de pur délire de science-fiction. Un certain nombre d'œuvres s'en sont d'ailleurs déjà emparées, du neuromancien de William Gibson en passant par la trilogie Matrix des sœurs Wachowski. Et si cela vous paraît être un pur délire spéculatif, écoutez ce qu'en pense Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a fondé en juillet 2016 une compagnie Neuralink, dont c'est l'objet explicite. It's something that I think is going to be quite important, and I don't know if a company that's working on it seriously is a neural lace. If you assume any rate of advancement in AI, we will be left behind by a lot. I think one of the solutions is to have an AI layer. If you think of like you've got your limbic system, your cortex, and then a digital layer, a sort of a third layer above the cortex that could work well and symbiotically with you. I mean, just as your cortex works symbiotically with your limbic system, we're already a cyborg. I mean, you have a digital version of yourself or partial version of yourself online in the form of your emails and your social media and all the things that you do. Voilà, une couche supplémentaire par-dessus le cerveau pour se connecter à une intelligence artificielle. Ça vous fait sourire, Jean-Gabriel Ganassia? Oui, mais c'est effectivement le projet d'Elon Musk depuis 2 ou 3 ans hein, avec sa société Neuralink. Et bon, ça rejoint tout à fait hein, les projets de science-fiction qui ont été évoqués tout à l'heure. Même un projet plus ancien, d'ailleurs, on se souvient pas, mais dans l'article Princeps hein, de Van Warbusch en 1945, As With My Things, la fin de l'article... Et justement fondée sur cette idée que peut-être un jour il y aurait une connexion directe de l'électricité des machines à l'électricité du cerveau. Bah, ce qui fait rire, c'est pas, je veux dire, le projet, je veux dire, cette idée est une idée de science-fiction tout à fait intéressante en tant que telle, c'est qu'il explique qu'il va y arriver et que avec quelques dollars, il faudra mobiliser des scientifiques pour effectivement mettre, de façon très concrète, mettre en œuvre ce projet. Or qu'aujourd'hui, bon, on est quand même extrêmement loin de pouvoir savoir comment ça pourrait se réaliser. Elon Musk n'est pas le seul, hein. On peut avoir, alors évidemment, Ray Kurzweil qui est le pape du transhumanisme. Alors on peut imaginer que la pensée de Ray Kurzweil peut être un peu délirante, mais Mark Zuckerberg aussi a investi dans une société qui s'appelle Brain8, qui a pour objectif d'interfacer les cerveaux les uns avec les autres. Jean Mariani, pour vous, c'est stricto sensu du délire de science-fiction, du délire de transhumaniste? Écoutez, je crois d'abord que toutes les idées, tous les rêves, toutes les hypothèses sont possibles. On a le droit de se les poser toutes. Après, il faut les passer, si j'ose dire, à la moulinette de la méthode scientifique, la bien nommée. Et effectivement, la méthode scientifique implique que les hypothèses soient testables, qu'elles soient réalisables. Elle implique aussi de douter, ce qui n'est pas ce qui caractérise la plupart des transhumanistes. Je ne sais pas si aujourd'hui on va parler du transhumanisme. Mais on va essayer d'éviter. Enfin, non, on va l'évoquer forcément parce que c'est un projet. On peut l'évoquer pour le critiquer, si vous voulez. Mais les interfaces cerveau-machine, pour l'instant, dans le concret et dans le domaine, si on revient au domaine de la science actuelle, c'est tout simplement, elle s'applique essentiellement à ce qu'on va appeler l'homme réparé, c'est-à-dire la possibilité chez des sujets qui sont paraplégiques ou même tétraplégiques, d'essayer de reproduire quelques mouvements en utilisant souvent ce qu'on pourrait appeler une dérivation neuronale, c'est-à-dire qu'on implante des électrodes sur le cortex moteur, par exemple, on recueille des données, elles sont traduites par une interface externe et elles sont réappliquées sur un membre. Et c'est vrai qu'il y a eu, au bout de quelques années de mise au point et aussi plus d'une année d'entraînement du sujet, on arrive à quelques mouvements simples. Donc évidemment, pour quelqu'un qui est tétraplégique ou paraplégique, ça, c'est quand même un changement qualitatif important, mais on est très très loin des délires ou du rêve que représente l'idée qu'il y ait une couche digitale qui dialoguerait en permanence avec la chair du cerveau. Romain Lucaso, faire dialoguer la chair avec la machine, c'est l'un des projets dans votre œuvre Latium. Aujourd'hui, quel regard vous portez-vous sur ces ambitions d'augmenter le cerveau, de le connecter, que ce soit entre deux cerveaux, ou en tout cas de supprimer l'interface physique qu'il peut y avoir entre un cerveau et un ordinateur? C'est en effet un des artefacts que j'utilise dans la rédaction de mon roman. Il y a un certain nombre de scènes de bataille spatiale, et quand j'ai écrit mon roman, je me suis posé la question: comment faire pour pas écrire des batailles spatiales comme tous mes prédécesseurs? Et une des solutions tournait autour, effectivement, du cerveau connecté. C'est un artefact littéraire. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fantasme sous-jacent. Il y a deux fantasmes sous-jacents qui révèlent quelque chose sur ce que nous pensons de nous-mêmes ou sur notre statut existentiel, ontologique. Le premier, c'est celui de l'esprit augmenté. Et donc, il est très ancien. Il passe par la drogue, le chamanisme, la machine, tout ce que vous voulez, mais c'est le fantasme qu'on puisse être supérieur à nous-mêmes, le même que nous-mêmes, mais supérieur, une sorte d'humain transformé en Dieu par le truchement de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un premier fantasme. Et il y a un deuxième fantasme, c'est celui de la communication directe. C'est quelque chose que vous trouvez chez les mystiques, notamment. Et donc c'est très ancien. C'est, Sainte Thérèse, un objet ou un être avec qui on communique souvent hors du truchement des mots, c'est Dieu, par exemple, dans des délires mystiques, qui ont bien sûr à voir avec une conscience augmentée, mais pas seulement. Et donc, il y a cette idée qu'on aurait accès à quelque chose de véritable si on pouvait se passer des mots. On trouve ça aussi dans certaines réflexions philosophiques, comme chez Kant. Et finalement, cette communication directe entre le cerveau et un autre cerveau, ou entre le cerveau et le monde, etc., voilà, nous permettrait d'avoir accès à une vérité. Voilà. Et ça, c'est intéressant, c'est très ancien, c'est pas lié spécifiquement, à mon sens, à la techno, c'est autre chose. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et justement, pour savoir comment connecter, comment supprimer ces interfaces, il y a effectivement, depuis les débuts de l'informatique, cette pensée, cette idée que le signal cérébral est un signal électrique et que ce signal électrique va pouvoir être traduit, qu'il y a un effort de traduction à faire, mais qu'il va pouvoir en tout cas être compris par la machine. C'est l'un des objets, c'est peut-être même le pilier central de la trilogie Matrix. Je vous propose d'écouter un extrait. Tu voulais savoir ce qu'est la matrice, Neo. Laisse-toi faire et accroche-toi. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements. Armes à feu. Simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. C'est le point de départ de tous les fantasmes de connexion, en tout cas entre la machine. C'est que finalement l'impulsion serait une impulsion simple à traduire, qu'il y aurait une sorte de communauté de langage entre le cerveau et la machine, Jean-Gabriel Ganassia. Alors, première chose, comme on vient de le dire tout de suite, hein, c'est une vieille idée. Hein, c'est-à-dire, est-ce que je suis l'homme conscient ou est-ce que je ne suis qu'un rêve, hein, ou éventuellement, hein, ce que des philosophes anglo-saxons hein, évoquent dans l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve. Hein, est-ce que le monde extérieur est une fiction hein, et qui est juste produit par des impulsions électriques hein, qui vont traduire ce réel. Donc c'est une question bien sûr tout à fait concrète, enfin que se posent beaucoup de gens. La question c'est de savoir est-ce que aujourd'hui on est capable de réaliser ce cerveau dans une cuve, c'est-à-dire d'une part de déconnecter le monde extérieur, hein, et puis d'autre part éventuellement hein, de télécharger, comme le proposerait Kurzweil, la conscience. Donc c'est une idée un peu réductionniste hein, qui consiste à voir le monde comme un programme hein, et au fond à tout réduire à des flux d'informations. Et ça, bon, je crois que ça pose tout un tas de questions hein, qui sont des questions philosophiques hein, qui sont extrêmement problématiques. Mais je crois qu'il faut insister sur ce caractère réductionniste hein, qui domine hein, chez un certain nombre d'acteurs des industries de l'information hein, aux États-Unis. Et bon, on a quand même tout un tas de doutes hein, qui peuvent exister aujourd'hui sur la nature de ce réductionnisme. Et puis aussi sur le paradoxe qui existe, hein, puisque ces gens disent qu'ils sont matérialistes, hein, qu'ils sont positivistes. Et en même temps, bien sûr, ce matérialisme poussé à son terme conduit à une séparation complète de la matière et de l'information. C'est-à-dire que hein, on peut imaginer, d'après eux, que nous ne serions que des flux d'informations, ce serait justement le substrat physiologique sur lequel s'ancre notre cognition n'aurait plus d'importance et au fond la cognition serait la même indépendamment du substrat. Et ça, je pense que c'est extrêmement problématique. Jean Mariani, sur ce postulat que le messager neuronal, que l'impulsion électrique finalement est relativement proche et donc qu'il y a peut-être à portée de main, peut-être pas encore immédiatement, la facilité de traduire, de traduction de cette impulsion électrique neuronale en un message informatique qui soit compréhensible, interprétable par une machine. Alors d'abord, je vais prendre un petit chemin de traverse. C'est que historiquement, ce qui a été observé, ce sont effectivement d'abord des signaux électriques. Et le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire de ce réseau extraordinairement complexe de plusieurs milliards de neurones, de dizaines de milliards de synapses, etc., passe par l'émission de signaux qui ont d'abord été analysés de manière très globale, électroencéphalogramme, puis on est descendu dans la complexité avec les techniques les plus sophistiquées, mais toujours suivant l'idée que ce qui résume un réseau, c'est la production d'activité électrique, même si parfois elle nécessite une communication entre les neurones qui est chimique. Donc c'est déjà un premier point, il n'y a pas que du message électrique. Et le deuxième point, c'est qu'il apparaît aussi qu'il y a tout un monde, je vais dire, sous le seuil de déclenchement, parce que le signal électrique, il nécessite un seuil de déclenchement pour le potentiel d'action, et il y a toute une série de phénomènes métaboliques à l'intérieur des neurones et à l'intérieur des cerveaux qui sont infraliminaires. Et par exemple, je suis désolé de me citer, mais dans un article qu'on a publié récemment sur l'effet de la stimulation magnétique sur le cerveau, et un article qui a été repris dans un article dans Le Monde, on montre que les courants magnétiques de très faible intensité agissent sans passer, je parle des courants magnétiques de très faible intensité, sans passer par l'émission d'un signal électrique. Ils agissent par un récepteur chimique, peu importe, qui s'appelle les cryptochromes. Donc, premier point, c'est qu'il y a, le cerveau ne se résume pas à un message électrique. Et évidemment, l'ensemble des phénomènes peuvent conduire à ce message électrique, mais ça ne se résume pas. Deuxièmement, ce message électrique, c'est clair qu'il existe. La preuve, c'est que même en recueillant un électroencéphalogramme à travers le scalp, l'os, la peau, on a un signal qui doit avoir un contenu informationnel, puisqu'à partir de ce signal, on a pu faire des jeux vidéo dans lesquels les gens jouaient avec leur activité. Donc il y a un signal électrique, mais il n'y a pas qu'un signal électrique. Et la genèse de ce signal global, c'est-à-dire de l'électroencéphalogramme. Ça fait 80 ans que les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a dans l'électroencéphalogramme, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, par des études sur l'animal, on commence à mieux comprendre, surtout dans la communication entre les différentes régions du cerveau, comment les signaux élémentaires créent ce signal global, mais il y a encore énormément de travail. Donc, un, on ne peut pas réduire l'activité du cerveau à une activité électrique. Deux, cette activité électrique, certes, elle peut être utilisée comme un message, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà un message dégradé par rapport à la complexité de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau ? Jean-Gabriel Ganassia, je vous vois approuver. Bah, tout à fait, hein, parce que le signal électrique qu'on observe est le corrélat d'une activité cérébrale, mais ça ne veut pas du tout dire que ça se résume hein, à cette activité électrique. Puis il y a d'autres éléments. Enfin, on sait très bien hein, qu'il y a des connexions chimiques, hein, qu'il y a d'autres effets à l'intérieur du cerveau qui sont extrêmement complexes, hein, qu'on ne maîtrise pas encore. Hein. Alors, ce qui, moi, me pose problème, c'est qu'on laisse entendre aujourd'hui à beaucoup de gens que nous sommes sur le point de comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau, que nous sommes capables d'anticiper ce qui se produit dans le cerveau. Les neurosciences ont fait des progrès fabuleux, on comprend de mieux en moins, mais plus on comprend l'immensité de notre ignorance. Hein. Et je voudrais citer quand même un livre qui a eu un effet extrêmement important dans le grand public, c'est le livre de Harari, hein, Homo Deus, où il explique dans la dernière partie du livre que les machines vont pouvoir nous anticiper puisqu'on maîtrise complètement ce qui se produit dans le cerveau et donc qu'elles seront capables, avant nous, de savoir ce que nous désirons. Or, on est tellement loin de cela que je crois que c'est un tout petit peu gênant. C'est-à-dire que ce n'est pas dire que la science a des limites que de dire, attention, nous, en tant que scientifiques, on peut vous assurer un certain nombre de choses parce qu'on a fait des tests. Hein, et en même temps, notre méthode scientifique nous conduit à nous poser des questions et on ne peut pas affirmer, effectivement, ce genre de maîtrise totale hein, de ce qui se produit dans le cerveau. Romain Cazot, sur le fait que cette interface-là, c'est-à-dire que finalement il y a une sorte de malentendu initial sur le fait que le cerveau ou la machine serait finalement calqué sur un mode de fonctionnement relativement similaire. Il n'est pas initial et il n'est pas récent. Si on faisait un peu de rétrofiction, de faire de la science-fiction, ça se passerait il y a quelques siècles et vous inviteriez René Descartes ici. Il vous apporte pour l'apparition des passions de l'âme. Il vous dirait le modèle actuel le plus pertinent pour décrire le fonctionnement de l'esprit, c'est l'hydraulique. Là, je prends un peu une casquette d'épistémologie, mais la science dominante du temps, en général, vous donne un modèle descriptif du fonctionnement de l'esprit. Ce qui n'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des avancées formidables avec les sciences cognitives. Mais simplement, les sciences cognitives et ce qui est une théorie de l'esprit, c'est des choses un peu différentes. Théorie de l'esprit, dedans, il y a l'idée de décrire la façon dont fonctionne l'homme en tant qu'il est doté d'intelligence, de conscience, etc., qui sont des concepts pas du tout scientifiques, mais qui relèvent voilà, de l'usage, de théories, de philosophie, etc. Et donc, c'est une vieille histoire, et c'est comme à l'époque de ce que pouvait écrire Leibniz, j'aime beaucoup Leibniz, hein, je le cite souvent, vous pouvez vous promener, si vous pouviez vous promener dans un esprit, dans un cerveau, je sais plus comment c'est, comme dans un moulin, vous verriez des pièces, des rouages, etc., vous verriez pas ce qu'on appelle improprement un signal, c'est-à-dire vous verriez pas de sens, vous verriez pas de qualia, vous verriez pas d'expérience de ce qu'est l'expérience intime, de la relation au monde, ce qu'est la perception des couleurs, ce qu'est la sensation du chaud, du froid, ce genre de choses. Vous verriez effectivement tout un tas de choses qui relèvent de fonctionnement de type mécanique ou électrique ou chimique ou tout un tas de choses, mais qui ne sont pas des explicatifs de ce qu'est l'expérience de la conscience. Voilà. C'est ce que je vous dis, c'est ultra banal, c'est ce que raconte la phénoménologie tout le XXe siècle. Enfin, c'est voilà. Mais c'est important parce que beaucoup de discours qui relèvent d'une école philosophique et qui relèvent plutôt d'une approche réductionniste de ce qu'est l'esprit. Et donc là, on sort un tout petit peu du débat scientifique, on se pose la question de quelle est la nature de l'esprit, ça renvoie plutôt à des questions, moi de mon point de vue, plutôt idéologiques, mais voilà. Alors moi je vais vous ramener à la production scientifique parce qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de papiers, de constats, d'études qui ont été faites et qui vont dans le sens justement d'une tentative de connexion, soit de cerveau à cerveau, soit de cerveau à ordinateur. Il y a un protocole qui a été mis en place notamment en Afrique du Sud qui s'appelle BrainTernet et qui a eu la volonté de traduire en direct, de recueillir des signaux électroencéphalogrammes et les transférer en temps réel sur un serveur accessible à tous. C'est la Wits University de Johannesburg qui a produit cela. Il y a là en l'occurrence une forme de de première passerelle, alors qui est peut-être très sommaire pour le moment, mais de passerelle entre la traduction d'un signal électrique, d'un signal électroencéphalographique, vers une forme de mise en réseau du cerveau, consultable, accessible à tous, Jean Mariani. Oui, je crois, mais vous avez eu raison de dire que c'était un premier pas, je dirais un tout petit pas, un grand pas pour l'homme, un petit pas pour l'humanité. C'est vraiment le début de quelque chose, mais c'est toujours très difficile pour un scientifique, c'est ne pas faire l'impasse du temps. C'est-à-dire que quand même le temps de la science, contrairement à l'accélération que certains sociologues ont décrit dans l'organisation du monde actuellement, le temps de la science reste un temps qui est très lent, dans lequel il y a des hypothèses, du doute, des erreurs, on revient en arrière. Et alors maintenant, on ne privilégie que le mot disruptif, les innovations de rupture, mais il y a aussi un cheminement lent de la connaissance et qui est solide et qui aboutit à des choses. Et évidemment, comme je vous l'ai dit au début, la science ne s'interdit, pour moi en tout cas, aucun domaine, aucun territoire. La question, c'est est-ce qu'elle peut parler d'un territoire donné? Si on prend le problème de... Vous avez prononcé le mot « conscience », les neurobiologistes s'intéressent à la conscience. Est-ce qu'on donne à ce mot la même définition? Stanislas Dehaene, qui est un des plus connus, s'intéresse à la neurobiologie de la conscience. Et nous, en tant que neurobiologistes, ça nous parle. Nous ne disons pas que nous allons arriver à une complétude de l'explication, mais ça nous parle en tout cas. Après, sur l'aspect de la... Je dirais que la communication dématérialisée entre deux cerveaux, entre un cerveau et un ordinateur, c'est le premier pas vers un programme général de dématérialisation et de désincarnation, qui est au centre du projet transhumaniste dans sa version la plus hard, si j'ose dire, et qui pose, donc on a pu décrire sous le nom de téléchargement de l'esprit, etc., sur lequel j'aurais beaucoup de choses critiques à dire. Mais pour rester à l'échelle de ce que la science aujourd'hui a réussi en tout cas à tester ou à produire, là je parlais de ce protocole BrainTernet de l'Université de Johannesburg, on arrive également à d'autres choses, peut-être un mot justement, un premier pas, parce que les chercheurs de ce projet BrainTernet disent qu'ils veulent pousser l'expérimentation plus loin dans le sens d'une plus grande interactivité entre l'utilisateur et son cerveau, donc sur des boucles de neurofeedback, de rétroaction. Peut-être un oui, mot là-dessus, Jean-Gabriel Ganassien. Je veux dire, en tant que spécialiste de l'information, de la communication, on sait très bien qu'il y a un émetteur, ensuite il y a un canal de transmission et ensuite il y a un récepteur. Alors si on modélise, si on considère le cerveau comme un émetteur, on peut enregistrer des signaux. D'abord, on n'enregistre pas toute l'activité du cerveau. On organise quelque chose de dégradé. C'est-à-dire des signaux qui sont corrélés à l'activité cérébrale. Je crois que c'est important d'insister là-dessus. Ça rend des services considérables, ça nous permet de comprendre énormément de choses, ça permet de faire du diagnostic de tout un tas de maladies, c'est un progrès considérable. Mais ça n'est pas le cerveau qu'on enregistre. Et puis ensuite, la communication, ça, à la limite, on peut communiquer des signaux électriques, mais ensuite, il faut le récepteur. C'est-à-dire qu'il faudrait partir de signaux et les réintroduire dans le cerveau. Là, bon, il y a des petites choses, comme la stimulation transcrânienne ou choses comme ça, mais enfin, on est extrêmement loin d'être capable d'introduire des signaux dans le cerveau. Et je dirais, heureusement, parce que le jour où on sera capable de faire ça, je dirais, il y a quand même des risques de manipulation absolument terrifiants. J'ai quelques protocoles sous le coude qui montrent qu'on arrive tout de même à communiquer de manière très très simple pour le moment, mais j'aimerais juste un mot de Romain Lucaso finalement sur quelque chose que je trouve assez intéressant sur cette traduction, sur cet enjeu de traduction. Est-ce que finalement, faire parler, faire communiquer un cerveau à un ordinateur, ce serait finalement un enjeu sémiologique plus qu'un enjeu strictement théorique, scientifique, électronique? Alors, moi je pense vraiment que ça renvoie à la question de la limitation de l'homme, de sa perception qu'il a lui-même collectivement qu'il est limité, et donc son rêve d'affranchissement par rapport à ça. C'est ce que je mets en scène dans mon roman, voilà. Parce que, en fait, derrière, vous avez cette idée que, d'une certaine manière, le langage, c'est à la fois ce qui vous permet de vous sortir de vous-même, vous ne parlez pas, vous communiquez pas, par le truchement de signes arbitraires, vous ne sortez pas de vous-même, vous ne décrivez pas vos états internes, vous communiquez pas. Mais en même temps, c'est ce qui vous limite dans une espèce de fusion, alors laïque, si c'est la fusion avec les autres, amoureuse, religieuse, dans le cadre de la communion, la religio, le lien vertical avec le divin. Mais en tout cas, dans tous ces cas de figure-là, où vous arrivez à transmettre quelque chose de vous-même ou à vous ouvrir à autre chose, hors du truchement d'un ensemble de d'outils que sont les signes. Effectivement, vous parlez de sémiologie tout à l'heure, c'est le sujet d'outils qui sont les signes, dont on n'oublie pas qu'ils sont arbitraires, qui changent d'une langue à l'autre, que leur structure, effectivement, relève de la culture, qui donc n'expriment pas de façon adéquate l'intériorité. Ou voilà. Alors, il y a un énorme débat là-dessus depuis très très longtemps. On pourrait en parler. Hegel, Kant, on pourrait se faire plaisir là pendant quelques heures. Je ne vais pas le faire là. Mais c'est. Je pense que c'est ça le sujet et c'est ça le désir profond derrière tout ça. Enfin, moi, si on m'offre la possibilité par mon esprit de bouger un bras électrique, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est la grande fusion de toutes les consciences dans un truc. Ah voilà, Sainte Thérèse d'Avila, quoi. Grande expérience mystique qui repasse par le LSD des années 70, c'est ça. La New Age. Voilà, vous avez compris. Moi, je préférerais une fusion inter-individuelle, vous voyez, plus modeste, mais peut-être plus profonde. Et on emploie depuis longtemps le mot communication non verbale. C'est-à-dire qu'il y a, là un accent mis sur le langage comme un médiateur incontournable, même Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage, etc. Mais il y a toute une autre série de formes de communication entre les êtres, par des signaux, y compris des signaux très simples, des signaux olfactifs par exemple, et qu'il ne faut pas négliger. Sur cette question de la sémiologie, finalement, est-ce que ce qu'on appelle le neurofeedback, Jean Mariani, c'est-à-dire les boucles de rétroaction, où en fait, quand on voit par exemple effectivement des gens qui ont des implants cérébraux qui apprennent à faire bouger un petit peu une prothèse, ou quand il s'agit même de commander avec un simple casque électroencéphalogramme, peut faire bouger un drone, ce qui est aujourd'hui tout à fait possible et attesté, il y a du neurofeedback, c'est-à-dire qu'il faut entraîner son cerveau à communiquer avec la machine. On n'est pas là dans quelque chose de l'ordre d'une nouvelle forme de sémiologie, d'apprendre à configurer, à se concentrer sur des figures, sur un carton rouge, sur un 1, un 0, pour réussir à parler, à dialoguer avec une machine. Mais je ne sais pas, quelqu'un a-t-il, et je pose la question, l'expérience de ce que représente cet entraînement pour le cerveau, pour le sujet lésé ? Je ne suis pas certain qu'on ait pu décoder ce que représentait cet entraînement. On en voit les résultats. C'est-à-dire que il y a dans les interfaces cerveau-machine, vous pouvez soit, comme je vous l'ai dit, faire ce qu'on pourrait appeler de la dérivation neuronale. Vous partez d'un organe de commande, le cortex cérébral, et vous revenez par l'intermédiaire d'un élément extérieur, vous revenez par exemple au bras que vous commandez. Il y avait aussi avant, dans une version plus antérieure, vous commandez par votre cerveau des bras mécaniques, des bras robotisés, etc. Mais dans les deux cas, d'abord, effectivement, l'importance de l'apprentissage est considérable. Ça se chiffre en une année, deux années pour faire des choses extrêmement simples. Mais est-ce qu'on a un reflet de l'intériorité de cet apprentissage ? À mon avis, pour l'instant, pas du tout. On ne sait rien de la complexité, de la manière dont le soi a interagi avec cet élément extérieur et a recombiné des choses à l'intérieur de son propre cerveau. Jean-Gabriel Galassia. Oui, peut-être pour clarifier les choses, il faut voir que c'est un double apprentissage. C'est un apprentissage du sujet et ça utilise de l'apprentissage machine en même temps. Et l'apprentissage machine qui est utilisé, c'est l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire un apprentissage à partir d'exemples qui sont étiquetés. On va enregistrer le signal et le corréler à une volonté du sujet. Et ça, bien sûr, comment le sujet lui-même arrive à maîtriser sa volonté, ça, je n'ai pas l'expérience personnelle. Bon, il faudrait pouvoir décoder le cerveau du sujet apprenant, et pour l'instant, il n'y a rien qui a pu être fait sur ce sujet. Chez l'homme, en tout cas. Je voudrais vous soumettre justement un autre protocole où on arrive à implémenter via de la stimulation transcrânienne un signal dans un protocole collaboratif. C'est un protocole qui a été mis en place par l'Université de Washington et l'Université Carnegie Mellon en octobre dernier. Les chercheurs annoncent avoir réussi à mettre en place des connexions cérébrales à trois voies pour établir une forme de collaboration pour résoudre un puzzle de type Tetris, c'est-à-dire avec deux personnes qui ont des électroencéphalogrammes, qui regardent des lumières qui ont des fréquences de différentes, hein, une à 15, l'autre à 17 Hertz, et du coup c'est interprété et c'est retransmis via de la stimulation crânienne à un participant qui va du coup comprendre s'il faut faire tourner les puzzles du Tetris dans un sens ou dans l'autre. Jean-Gabriel Galassia. C'est donc qu'on commence à réussir à implémenter une sorte d'ordre d'action, ce qui a pu être fait d'ailleurs d'une autre façon avec des rongeurs pour résoudre un labyrinthe. Vous connaissez peut-être cette expérience à distance. Robo-rat. Voilà, le célèbre Robo-rat. Oui. Non, mais j'évoquais la simulation transcranienne. Donc il y a effectivement. Ce qui est important, c'est de montrer que c'est extrêmement limité, mais ça commence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut, je crois, commencer à s'intéresser aux conséquences que ça peut avoir et aux risques de manipulation qui peuvent être consécutifs à l'utilisation de ces techniques. Hein, parce que, bon, on voit un certain nombre de petites sociétés qui commencent à se monter hein, et qui proposent hein, des systèmes pour le well-being, le bien-être, hein, en utilisant à la fois des casques et puis d'autres types de techniques. Donc, il faut effectivement être très attentif. Mais ce qui est important, c'est de montrer hein, que, comme je le disais tout à l'heure, hein, le signal enregistré électrique, c'est l'activité cérébrale, mais de façon dégradée. Et ensuite, ce qu'on peut avoir comme action sur le cerveau, c'est une petite action, mais une action très, très faible. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on va avoir un canal parfait de communication. De toute façon, toute communication, hein, je crois, qu'elle soit langagière ou autre, il y a une bande passante, hein, il y a une dégradation du signal. Oui, vous dites bande passante, ça veut dire bien qu'on est dans le même champ lexical tout de même entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du réseau. Disons que c'était une métaphore que j'employais et qui pourrait d'une certaine façon s'appliquer au langage. C'est-à-dire que c'est toute forme de communication, hein, puisque c'est la théorie de la communication que l'on prend en considération. D'ailleurs, les théories de la communication langagière se sont calquées hein, dans les années 50-60 hein, sur un modèle qui était celui de la communication électrique, hein, informationnelle. Donc c'est pas. Je crois quand même que c'est important de savoir que, effectivement, chaque fois qu'il y a échange, hein, le langage, le médium de communication a une incidence sur la nature de l'échange. Et sur est-ce qu'on pourrait avoir une communication fusionnelle, c'est-à-dire sans du tout perte, ben ça c'est bien sûr un idéal, mais qui à mon sens est extrêmement problématique. Romain Cazot ? Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un idéal, vraiment pas. Je pense que vraiment ça fait partie de la définition de ce qu'est l'espèce humaine, de pouvoir communiquer, c'est-à-dire transmettre des choses, mais pas trop. Et d'avoir donc quelque chose qui ressemble, quoi qu'en disent les réductionnistes, à une intériorité, donc un quant à soi. Et c'est vrai que le cauchemar dystopique, la matière à écrire des romans de science-fiction qui visent toujours à faire peur, non pas sur ce que pourrait être l'avenir, mais sur ce que le présent craint, évidemment. La science-fiction, c'est ça. Hein. La construction de la science-fiction, c'est pas de la prospective. C'est ça, en fait. C'est soit le contrôle absolu par l'externe, évidemment, soit la transparence absolue. Et en fait, dans cette transparence, il y a une dimension de cauchemar. Enfin, les utopies politiques ou religieuses fondées sur la transparence absolue de soi, l'évangélisme un peu dur, je me mets au milieu de la communauté et je raconte mes péchés au lieu de dire mes péchés dans le secret du confessionnal, c'est assez horrible. En tout cas, c'est très contraire à notre culture française, mais c'est assez horrible. Et là, il y a une matière romanesque, mais c'est avant tout une matière romanesque, je pense. Enfin, si je peux me permettre de réagir, hein, vous avez dit le réductionnisme, vous l'avez opposé au soi, au self, etc., d'une certaine manière. Mais la compréhension du soi est en plein dans les domaines explorés par la science moderne actuellement. Évidemment, il y a eu un domaine où il y a eu d'énormes, de très beaux résultats, c'est l'immunologie, dans lequel qu'est-ce qui définit le self, etc. Le soi, oui. Et d'ailleurs, on pense toujours que l'immunologie, ça consiste à repousser un certain nombre de choses. L'immunologie moderne considère plutôt que le soi est plutôt tolérant que répulsif, contrairement à ce qu'on pensait initialement. Mais il y a un deuxième grand organe qui définit la singularité, pas au sens de Kurzweil, mais la singularité, qui est qu'est-ce qui est notre self, qu'est-ce qui fait que... Et le paradoxe, et il est dans le cerveau, mais il y a un paradoxe, c'est que à un certain niveau d'organisation, les cerveaux de tous les êtres humains sont très semblables entre eux. Pourquoi ? Parce que c'est le prix à payer pour que cet organe soit transmis de génération en génération avec un minimum d'erreurs. Donc il y a un déterminisme génétique assez fort. Et en même temps, il persiste une variabilité qui peut être difficile à voir, qui peut être peu importante, mais dont les conséquences comportementales sont gigantesques. Elle définit toute la manière dont nous sommes nous-mêmes, nos sentiments, etc. Les biologistes, nous pensons que trouver le soi cérébral est une question qui un jour sera scientifique. Le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons aucun moyen pour traiter cette question, puisque la plupart du temps, nous faisons des groupes, comme il y a une variabilité interindividuelle, et on s'intéresse plus à la moyenne qu'à la variabilité. Et il n'y a pas de méthodologie claire. Et d'ailleurs, me permets de rajouter une petite couche contre les transhumanistes. C'est ce qui permet également de dire que le projet de téléchargement de l'esprit, pour l'instant, est totalement hors de propos, pas uniquement en raison des puissances de l'intelligence artificielle, ça je fais confiance à l'intelligence artificielle pour se développer, mais parce que ce qui serait intéressant, c'est télécharger non pas un cerveau générique, mais votre cerveau ou celui des trois personnes qui sont là. Donc il faut avoir une information d'une qualité, d'une spécificité telle qu'elle puisse être, si cela était possible, téléchargeable. Or, ça n'existe pas. Juste une toute petite réaction, qui est peut-être une précision et qui peut être peut-être intéressante pour un lecteur qui n'est pas familier de tous ces termes. Pour moi en tout cas, quand je parle de réductionnisme, je veux dire par là une théorie. C'est pas une théorie scientifique. Le réductionnisme, c'est une attitude philosophique qui consiste à considérer que l'intégralité du mode de fonctionnement de l'esprit humain peut être décrit de façon adéquate par telle théorie scientifique. Moi, j'ai tendance à penser que l'histoire de la science de l'esprit, c'est une asymptote très longue, qui est loin d'être finie, effectivement. Et je saurais pas dire, ou je saurais pas me prononcer sur y a-t-il un mystère à la fin qui relève de quelque chose d'une caractéristique transcendante ou pas. Mais à la limite, l'attitude vraiment réductionniste, c'est une attitude philosophique, c'est pas une attitude scientifique. On peut pas considérer des recherches scientifiques comme réductionnistes. Recherche scientifique, effectivement, vise à comprendre des phénomènes, y compris la conscience. Il va y avoir une ambiguïté sur le mot, parce que la démarche réductionniste a été très employée par les scientifiques et a fait la preuve de son efficacité. Généralement, on la complète par une démarche intégrative. Jean-Gabriel Ganassi. Oui, je crois que, effectivement, le scientifique a besoin de modèles. Et un modèle, c'est une réduction. C'est-à-dire, c'est un intermédiaire entre nous et la chose étudiée. Et bien sûr, passer par des modèles mécaniques, des modèles chimiques, des modèles électriques, des modèles informatiques, ça a permis de faire beaucoup de progrès. Mais de là à avoir une attitude réductionniste au sens philosophique, c'est-à-dire affirmer que tout se réduit à une seule dimension, alors ça, c'est ascientifique. Je crois que c'est ça qui est important. Ça, c'est le premier point. Je voudrais quand même essayer d'insister sur quelque chose qui est peut-être un tout petit malentendu, encore que pour moi, c'est assez clair. Il faut bien distinguer, effectivement, ce dont parlait Jean-Marie Aline, qui est de dire la spécificité du soi, effectivement, et les difficultés que l'on aurait à dupliquer chaque soi, et montrer bien sûr les différences qui sont énormes entre deux individus. Et puis la question qui a été évoquée tout à l'heure par Romain, qui portait sur la question de l'intériorité. Et je suis d'accord avec lui, quand je parlais d'idéal, je ne voulais pas dire que c'était ce vers quoi il fallait tendre, au contraire. Mais c'était la question que les gens se posent, c'est s'il y a une communication parfaite, effectivement, il n'y a plus d'intériorité. Et plus d'intériorité, effectivement, c'est certainement le plus grand cauchemar que l'on puisse imaginer. Mais c'est intéressant parce que dans l'Atium, vous mettiez en place, Romain Lucaso, cette interface précisément qui permet à tout le monde de se connecter ensemble, qui permet de faire une sorte d'espace de communication globale où d'un seul coup, chacun peut revêtir une sorte de second life. C'est une référence que les gens de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais d'espace virtuel qui est un espace de communication où d'un seul coup, n'importe quel avatar peut être constitué, où des vaisseaux peuvent redevenir des humains. L'analogie biologique, c'est le syncytium. C'est-à-dire Le syncytium, c'est un ensemble de cellules qui communiquent toutes entre elles. Donc il y a une continuité qui s'oppose, par exemple, à l'organisation du système nerveux qui est formée sur la discontinuité au niveau des synapses, etc. Un syncytium numérique, c'est Romain Lucaso. Je vais essayer d'injecter ça dans mon prochain roman. c'est super. C'est un peu ce que je vous disais au début, j'avais un problème narratif à résoudre qui était que toutes les batailles spatiales dans les romans de space opéra se ressemblent. Et après avoir écrit mon roman, donc le truc était déjà bien avancé, j'ai repris toutes les batailles spatiales selon un principe, je vais essayer de pas trop spoiler, mais selon un principe qui est, pendant les batailles spatiales, l'ensemble des personnes qui habitent le vaisseau spatial fusionnent dans une sorte de quelque chose qui est un intermédiaire entre une métaconscience intégrée et une communication très rapide. Et donc, en fonction des situations, il y a une espèce de continuum, et donc il y a une théorie qui est expliquée là-dedans, ça va de on est en contact direct jusqu'à on fusionne de façon très très désagréable. Voilà, un des personnages principaux expliquant qu'on n'avait pas envie de savoir ce qu'est la troisième étape ou la quatrième étape de fusion très très complète, ça on n'y a pas accès, et c'est un mélange de créatures biologiques, de machines, etc. Donc voilà, mais cette mise en scène là, elle dit ce qu'elle dit, c'est bien, enfin moi j'écris comme ça, c'est toujours Deus ex machina, c'est-à-dire c'est toujours un procédé littéraire, c'est toujours pour obtenir quelque chose, et donc en l'espèce répondre à la question de la bataille spatiale. Et puis c'est aussi l'exploration, c'est aussi ce que j'aime bien dire, d'un certain nombre de fantasmes qui sont des fois des fantasmes contemporains, avec Elon Musk, mais souvent quand même des fantasmes très anciens et qu'on trouve pas mal de périodes de l'histoire, pas mal de textes. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et nous parlons tout au long de cette troisième émission consacrée à cette prospective, à cette pensée d'un futur de développement de la science fondée sur les recherches actuelles. Nous parlons donc de connexion entre le cerveau et la machine, de connexion du cerveau au réseau, ou peut-être d'un lien entre la machine et le cerveau dans le sens inverse dont nous avons parlé dans cette dernière partie d'émission. Nous en parlons avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'informatique à Sorbonne Université, président du comité d'éthique du CNRS, Jean Mariani, qui est médecin neurobiologiste, professeur émérite à Sorbonne Université, et Romain Lucaso, auteur de science-fiction de Space Opera Latium, qui est édité chez De Noël et Folio SF. On va basculer dans un autre univers, qui est un univers de conscience un peu altérée, l'univers du rêve. Bienvenue. Salut. Alors c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on se croit dans la vraie vie? Qu'est-ce que la vie si dans la perception chimique qu'en a le cerveau? Les yeux voient, l'alchimie cérébrale réagit. Nous on supprime seulement l'intermédiaire et on passe direct à l'alchimie. Est-ce moins réel pour autant? Une illusion, même convaincante, n'en reste pas moins une illusion. Très joliment dit. C'est vrai, objectivement. Mais vu de l'intérieur, subjectivement, c'est tout le contraire, ça je peux vous l'assurer. Je sais ce que c'est, je sais. Qu'est-ce que la vie sinon la perception chimique qu'en a le cerveau? C'est un extrait de Total Recall, le remake du film de Paul Verhoeven par Dan Wiseman en 2014, Jean Mariani. Qu'est-ce que la vie sinon la perception chimique qu'en a le cerveau? Alors, je voudrais juste faire un... Harari, dans son livre à succès, lui, alors, pour moi, hyper réductionniste, dit que finalement, l'ensemble du vivant, ça n'est qu'une infinité d'algorithmes biochimiques. Déjà, l'association du mot algorithme et biochimique n'est pas aussi simple, mais effectivement, quand on est un moniste, c'est-à-dire je ne suis pas dualiste, je suis moniste, et que par ailleurs, on reconnaît... Alors le mot réductionniste... C'est-à-dire que le moniste, hein, c'est le cerveau et l'individu forment un... Non, c'est-à-dire que l'ensemble des émanations, des propriétés qui viennent d'un être humain constitué, proviennent de cet être fait de chair, et il n'y a pas un esprit qui flotterait dans l'éther. Donc c'est la... En tout cas, c'est une méthode opérationnelle qui a montré son efficacité, même s'il y a des scientifiques qui sont dualistes encore, hein, en particulier des physiciens, je crois. Mais donc, en tant que moniste, pour moi, je peux qu'adhérer à l'idée que la vie, elle est, c'est un ensemble de réactions chimiques plutôt que d'équations extraordinairement complexes, fondées sur l'expression régulée et extraordinairement précise de dizaines de l'ensemble du génome. C'est-à-dire que le génome, c'est un élément profondément dynamique. C'est pas uniquement c'est pas l'ancien ADN qui transmettait d'une génération à une autre. C'est quelque chose qui s'exprime dans des outils qui sont des protéines. Et cette expression, elle est soumise à des régulations considérables. On sait maintenant, puisqu'à la génétique s'ajoute le mot-clé épigénétique, que cette régulation, elle peut elle-même être influencée par l'environnement et d'une manière durable au cours de l'espérance de vie d'un individu, parfois même transmissible à la descendance, ce qui redonne du poids aux théories de Lamarck, même si elles sont formulées d'une manière totalement différente dans la vieille controverse de Lamarck, Darwin. Mais donc il y a une extraordinaire machine dont la complexité sur laquelle nous faisons des progrès, mais qui reste encore pleine d'inconnus. Et je ne peux qu'adhérer à l'idée que la vie, en tout cas d'un individu, parce qu'après, un individu constitue, n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste dans lequel il y a de la communication interindividuelle, etc. Mais en ce qui concerne un individu, j'adhère assez à cette idée. Que la vie est la perception chimique qu'en a le cerveau. Oui, après, bon, mais vous savez, la phrase est suffisamment vague pour qu'on puisse dire que c'est Hobbes qui disait que le monde extérieur, ou Hume, je ne sais plus, c'est l'un des deux qui disait que le monde extérieur n'existe pas, qu'il n'est qu'une production de... Je n'irai pas jusque-là. L'autre raison pour laquelle je vous ai soumis cet extrait, c'est parce que des travaux intéressants ont été produits sur l'identification par électroencéphalogramme du signal du rêve. Hein. Une équipe des hôpitaux universitaires de Genève arrive à prédire avec aujourd'hui 90% d'exactitude si une personne est en train de rêver en surveillant et en monitorant son activité corticale. Et avec surtout l'intérêt qui est que le responsable de ces travaux estime que avec l'aide et l'assistance d'une intelligence artificielle, d'un peu de machine learning, dans très peu de temps, en identifiant, en surveillant des régions spécialisées dans des contenus spécifiques, on pourrait potentiellement prédire en temps réel le contenu du rêve, Jean-Gabriel Ganassia. Alors, ce sont bien sûr des projections sur le futur. Alors, première chose, on a depuis quand même longtemps fait des études sur les signaux électriques produits pendant le sommeil. Et donc, on arrive à identifier les différents stades du sommeil. Ceci étant, ça n'est pas quelque chose de facile. Mais enfin, c'est quelque chose qui est possible. Il se trouve que moi-même, je travaille sur des outils de détection, de diagnostic d'un certain nombre de maladies du sommeil, hein, qui justement font appel à la fois aux signaux électroencéphalographiques et puis à d'autres signaux qui sont émis par le corps pendant le sommeil, hein, entre autres, hein, le mouvement des yeux, la respiration, etc. Ensuite, bien sûr, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin et essayer de corréler les zones du cerveau qui sont activées avec le contenu du rêve ? C'est pas impossible, mais enfin, comme on sait pas très bien ce que c'est qu'un chat ou ce que c'est qu'un lit à l'intérieur du cerveau, c'est difficile. Alors, en revanche, on sait qu'il y a des zones qui sont corrélées plutôt à l'écoute musicale, plutôt à l'olfaction, hein, mais pour le reste, je crois que c'est assez spéculatif. C'est passionnant, hein, mais il me semble que, disons, vraiment sur le contenu lui-même du rêve, ça me semble problématique, mais peut-être que j'entends. Non, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Jean-Gabriel. C'est-à-dire qu'il y a eu d'extraordinaires progrès sur l'étude du sommeil qui était par vagues successives. Il y a des moments où c'est à la mode et puis ça disparaît, ça revient. Mais c'était longtemps le grand oublié, une période où il ne se passe rien, alors qu'en fait il se passe des tas de choses. Neurologue lyonnais dont le nom m'échappe en vous parlant. Jouvet, décisif dans l'élucidation des phases du sommeil et du rêve. Et aussi maintenant, le sommeil, on s'aperçoit qu'il joue un rôle essentiel dans des pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Les perturbations du sommeil. Donc il y a un retour du sommeil au premier dans l'espace qui est très important. Et donc, en particulier, de la période dans laquelle il y a des rêves, prédire le contenu des rêves, pourquoi pas, mais en tant que scientifique, j'ai besoin de données. Alors, des données dans le sens de l'interprétation d'un signal cérébral par une machine, par une intelligence artificielle, il y a là aussi un certain nombre de protocoles assez récents qui ont donné lieu à des résultats parfois tout de même assez significatif et assez impressionnant. On sait que l'intelligence artificielle a réussi à reconstituer encore assez maladroitement, mais des signaux visuels, c'est-à-dire en présentant des images comme une boîte aux lettres, un animal, et bien en analysant petit à petit des algorithmes de machine learning et de deep learning, je crois aussi, arrivent petit à petit à reformer un peu hein, les formes qui sont visualisées. Il y a même une expérience japonaise où l'ordinateur arrive à reconstituer des visages, alors ce sont encore des visage assez grossier, mais tout de même, on en est à ce point de l'interprétation des signaux cérébraux qui permettent de reconstituer une image mentale, un mot. Jean-Gabriel Ganassia, c'est qu'on n'est quand même pas très loin de la télépathie de la machine, j'exagère évidemment un petit peu. Mais... C'est une question ancienne, je me souviens, lorsque je m'occupait de financer la communauté scientifique dans les sciences cognitives hein, dans les années 90. Hein. Jean-Pierre Changeux parlait de voir à l'intérieur du cerveau. Hein. Qu'est-ce que c'est que nous pensons hein, essayer de décrire les idées. Alors, effectivement, on a fait des progrès vraiment considérables hein, dans toute l'imagerie cérébrale. Hein. C'est pas seulement hein, l'aspect électrophysiologique, enfin, l'aspect magnéto-encéphalographie, enfin, toute l'imagerie cérébrale permet de savoir très précisément quelles sont les zones du cerveau qui sont activées. Il faut préciser que ces expériences sont faites souvent en général en IRM fonctionnel, c'est-à-dire avec des très très grosses machines. Pour la représentation des images mentales. Parce que le problème, c'est que, enfin, du point de vue technique, hein, l'électroencéphalographie ont des résolutions temporelles très bonnes, c'est-à-dire qu'on suit en temps réel hein, l'évolution du signal, mais en revanche des résolutions spatiales qui sont assez mauvaises. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait éventuellement le couplage et la fusion de différentes techniques d'imagerie cérébrale. Mais bon, ensuite, je crois qu'il faut vraiment qu'on regarde plus dans le détail parce que nous en sommes loin. Alors c'est normal hein, que des scientifiques hein, aient des projets, hein, des ambitions hein, comme celle-là, mais ensuite de là affirmer que nous sommes proches de savoir exactement ce qui se passe dans le cerveau, je serais beaucoup plus prudent. Le problème, c'est que chez l'animal, on peut s'autoriser en expérimentation des techniques et des tas de choses qui sont encore impossibles chez l'homme. Chez l'animal, on arrive à la résolution cellulaire ou des ensembles de neurones, avec des techniques modernes comme l'optogénétique qui a remplacé les anciennes stimulations, etc. Donc là, il y a... Mais in fine, on voudrait quand même comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, et il y a encore des limitations méthodologiques. L'imagerie vous donne toujours des très belles images colorées, mais elle n'atteint pas au niveau de la résolution cellulaire qui est absolument indispensable pour comprendre la genèse et donc recréer à partir du traitement des signaux qu'on obtient, recréer éventuellement la signification ou ce qu'est ce rêve, quel est le contenu, pour employer un mot simple, du rêve. Romain Le Cazot, puisque dans l'Atium, vos vaisseaux spatials sont incarnés, sont des vaisseaux anthropomorphiques, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, oui, c'est approuvé. Aujourd'hui, ce que vous inspire l'idée qu'une machine, aujourd'hui, là encore une fois, on est sur des signaux très grossiers, mais on peut imaginer qu'en améliorant la source du signal, c'est-à-dire la lecture des ondes cérébrales, que ce soit de façon invasive ou non invasive, et en améliorant encore un peu le deep learning, les algorithmes, d'ici quelques années, on puisse avoir une lecture un peu plus fine, en tout cas une interprétation même grossière, d'un certain nombre de formes de pensées simples, d'images. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est raisonnable. J'imagine que pour la médecine, c'est très bien. Je pense que c'est pas du tout ça le sujet. Enfin, c'est pas du tout ça le sujet de ce qu'est l'expérience du rêve. Et donc, de ce qu'est l'expérience du rêve, qui est significative, qu'on y adhère ou pas, voilà, dans à la fois cette espèce d'automédication sauvage, d'auto-soin sauvage qui est « je raconte un rêve ». Voilà, et dans tout le travail plus codifié, même s'il est sans doute, enfin, de mon point de vue, pas très scientifique, qui est celui de la psychanalyse. Pourquoi ? Parce que vous avez en effet un certain nombre de dimensions qui sont celles de, je sais pas, la génération d'images, la génération de qui est corrélée à des signaux. On peut interpréter ces signaux, apprendre à les codifier avec du machine learning, et puis se dire à tel signal doit correspondre l'excitation de telle zone du cerveau, et à telle zone du cerveau doit correspondre telle image, et donc on peut effectivement avoir ça. On rêve, et c'est su depuis très longtemps, vous trouvez ça chez Platon, chez les platoniciens, etc., même si c'est pas pour le même usage que celui qu'on peut en faire ou que j'en fais, vous avez cette idée que le rêve fonctionne bien dans un champ qui est un champ proprement humain, qui est celui de la narration et de la culture. C'est-à-dire que c'est un phénomène biologique, tout à fait, mais c'est aussi, en même temps, de façon corrélée, et c'est voilà, un phénomène culturel, dans lequel il y a des dimensions culturelles. Pas que des dimensions culturelles, hein, j'ai chaud, j'étouffe, voilà, je rêve que je tombe dans un puits, tout ça c'est très organique, sans doute, mais il y a aussi une dimension culturelle. Et ça c'est très intéressant. Et c'est sans doute ça qui fait que le rêve a trait à mon rapport à moi-même, ou a trait à cette idée qu'il y a quelque chose dans le rêve qui est de l'ordre de l'expérience que j'ai de moi-même, de l'accès que j'ai à moi-même, à quelque chose qui serait mon intériorité, et donc on prend un grand plaisir, qui est sans doute un plaisir complètement illusoire, à raconter, un plaisir presque d'exorcisme, à raconter ses rêves. Je raconte mes cauchemars, voilà, et donc je raconte ce qu'il y a eu en moi, quelque part ça me définit. Donc c'est le lien entre le travail du langage, le travail de la définition de soi, le rapport à l'autre, vous voyez, et tout ça, bon, je trouve que c'est très bien si on peut avoir des machines qui permettent de savoir ce qu'il y a. Mais c'est encore une fois, c'est tout comme tout à l'heure chez Leibniz, hein, la promenade dans un moulin, vous verrez dans le cerveau comme dans un moulin, vous verrez des rouages, des choses comme ça, mais voyez pas ce que le type raconte sur lui-même. C'est ça qui est intéressant. Mais si on extrapole un peu au-delà du rêve, sur la capacité des machines à interpréter des signaux, des images mentales, de la perception simplement, c'est-à-dire finalement d'avoir assez rapidement, avec via une légère connexion, à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit, à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense. Qu'est-ce que c'est? Je pense pas qu'un dispositif technique puisse avoir accès à ce qu'on pense. Je pense qu'un dispositif technique peut avoir accès à quelque chose qui a un statut déjà très compliqué, qui est l'image mentale. L'image mentale, c'est en philosophie, puis en sciences cognitives, c'est un vieux truc. Est-ce que ça existe vraiment, les images mentales? Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Sans doute, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, je pense que c'est aussi des trucs dans lesquels il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de choses. Je pense que si je vous demande, je vais vous dire un truc bête, mais si je vous demande d'imaginer un chien, et si je demande à un Esquimau d'imaginer un chien, c'est pas le même chien. Donc, est-ce que ça excite les mêmes zones du cerveau? Je sais pas, voilà. Alors vous allez me dire, il y a qu'à entraîner la machine à savoir reconnaître des chiens d'Esquimaux, des chiens de Français, des chiens de machin. Je suis sûr qu'on y arrivera. Mais du coup, est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le fonctionnement du cerveau? Oui. Est-ce que ça peut être très utile pour la médecine? Oui. Est-ce que ça peut permettre de vérifier que des gens ne trichent pas au poker? Vous voyez, vous mettez des capteurs partout et puis vous, voilà, sans doute. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur l'expérience intime de ce qu'est être un être humain, y compris quand il a un cauchemar et quelle est la nature de ce cauchemar? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Oui, juste un petit point. La question scientifique que l'on se pose depuis un certain nombre d'années, c'est la fonction du rêve. Pourquoi est-ce que l'on rêve? Et ça, je crois que on est encore très loin. Il y a eu des hypothèses qui ont été émises. On a parlé de Michel Jouvet tout à l'heure, mais bon, elles sont discutées. J'espère que les neurosciences vont nous aider à mieux comprendre cette fonction. Donc c'est pas tant le contenu qui importe ce à quoi sert le rêve, à la fois au plan individuel dans le sommeil. Pourquoi est-ce qu'on dort d'ailleurs, ne serait-ce que ça, c'est une question compliquée et c'est passionnant. Et puis éventuellement aussi l'imaginaire dans la société. Là aussi c'est une question, alors qui ne relève peut-être plus des neurosciences, peut-être d'autres types de disciplines. Tout ça c'est vraiment beaucoup plus passionnant, à mon sens, que de savoir si nous rêvons de chat, de chien ou de table. De chat ou de chien esquimau ou européen. Peut-être une toute dernière question pour conclure. Aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable, selon vous, dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens effectivement d'une implémentation d'informations, de traduire un signal informatique simple, un signal informatique basique, 1-0, même... enfin, complexe à la mesure que vous estimerez utile, pour le traduire en impulsion nerveuse, c'est-à-dire pour l'implémenter à l'intérieur du cerveau, à un endroit, Jean Mariani, du cortex cérébral, qui pourrait traduire ces impulsions, qui pourraient être liées à la mémoire, à la visualisation, pour envoyer des messages simples. Comme je vous l'ai dit, le fonctionnement du cerveau, lorsqu'on parle du fonctionnement électrique, il est fondé sur un code tout ou rien, 0, 1, puisqu'il y a un potentiel d'action ou il n'y en a pas. Ensuite, il y a une deuxième couche de complexité, c'est que les potentiels d'action sont eux-mêmes, peuvent être des milliers de potentiels d'action dont on régule la fréquence, mais pas l'intensité. Le potentiel est présent ou il est absent, et donc il y a un codage dans l'expression. Mais effectivement, très simplement, l'idée que un des signaux essentiels du fonctionnement du système nerveux soit sur un mode 0-1 fait penser, et c'est purement une intuition, que il y a de la compatibilité possible à ce niveau-là. Jean-Gabriel Ganassia. Après, je crois que effectivement, on pourrait penser qu'il y a une compatibilité, mais après, il faudrait savoir comment l'appliquer et où l'appliquer, parce que justement, il y a un nombre de connexions incroyables. Il faut bien savoir que c'est un réseau d'une densité qui est bien plus grande, bien plus considérable que le sont les machines aujourd'hui. Chaque neurone est connecté avec entre 1000 et 10 000 autres, même 100 000, ou même 100 000. C'est cet écheveau qui est extrêmement difficile à maîtriser. Donc, où injecter ce signal, parce que bien sûr, dans les neurones, il n'est pas partout. Ce ne sont pas des 0 et des 1 entre tout le zircule. Tous les neurones ne fonctionnent pas exactement au même rythme. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a à la fois des rythmes en phase et puis il y a d'autres rythmes. Et donc ça, bien sûr, c'est là encore, c'est la grande aventure scientifique. Et moi, je pense que c'est passionnant, mais justement, il ne faut pas la réduire à des choses trop simples qui ne nous rendent pas compte de la réalité de la nature. Romain Lucaso, pour conclure. Je m'amuserais à citer une phrase de Nietzsche qui dit que le monde est plus profond que le jour ne l'imagine, et je pense que les phénomènes biologiques notamment sont de cette nature-là, et que on est à la méthode scientifique, donc je pense que c'est amusant de le rappeler. Le statut des théories scientifiques, c'est qu'effectivement elles vivent leur vie et elles visent à proposer une approximation d'un phénomène. Et la question de l'esprit, la question de la mémoire, la question du rêve, la question de la conscience, la question du statut de l'être humain, on a vite fait, et depuis très longtemps, c'est pas nouveau, on a vite fait de passer de c'est une théorie scientifique explicative, très puissante, très utile, à une vision dogmatique de ce qu'est l'homme. Et c'est classique, ça existe depuis longtemps, et donc cette mode, celle d'Elon Musk, elle passera, elle sera remplacée par une autre, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Romain Lucaso, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette connexion entre le cerveau et la machine. Merci Jean-Gabriel Ganassia, merci Jean Mariani, je rappelle que vous êtes co-auteur avec Daniel Tritsch de Ça va pas la tête, cerveau, immortalité, intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme, c'est chez Belin. Merci Romain Lucaso, Latium, les deux volumes, c'est chez De Noël en grand format et chez Folio SF en poche. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nanine Laguette, Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Tom Humdenstock, Jenna Sangara à la réalisation, Morgane Danan à la technique. Demain, on poursuit donc notre semaine aux portes du futur et on relève les manches, puisque demain, nous allons postuler un changement de taille dans la physique, ce après quoi tous les théoriciens courent depuis le milieu du XXe siècle, la théorie du tout. Et si la relativité générale et la mécanique quantique étaient enfin unifiées, que se passe-t-il le jour où la gravitation sera quantifiée? On en parle demain à 16h avec, entre autres, Carlo Rovelli, jusqu'à preuve du contraire.